aussi se dit auch. Ça s'écrit A-U-C-H. Et moi aussi, ich auch. On retrouve le même son dans rauchen. R-A-U-C-H-E-N. Rauchen, qui signifie fumer. Il fume, ça sera donc er raucht. C'est ça, er raucht. Et ça fume, il y a de la fumée. Es raucht. Es raucht. Bien, es raucht. Et ça a fumé, il y a eu de la fumée, se dira es hat geraucht. Es hat geraucht. Bien, es hat geraucht. Comment demanderiez-vous à quelqu'un « fumez-vous » ? Rauchen Sie ? Rauchen Sie ? Mais si vous voulez employer l'impératif et dire « ne fumez pas ici, s'il vous plaît », alors vous direz Rauchen ? Rauchen Sie, s'il vous plaît. Rauchen Sie bitte nicht hier. Oui, rauchen Sie bitte nicht hier. Venez-vous, se dira Kommen Sie? Kommen Sie? Et pour dire venez. Kommen Sie? Kommen Sie? Oui, donc on emploie la même phrase que pour poser une question. Seule l'intonation change. Comment demanderiez-vous à quelqu'un attendez-vous? Warten Sie? Warten Sie? Oui, et m'attendez-vous? C'est-à-dire attendez-vous sur moi? Warten Sie auf mich? C'est ça. Warten Sie auf mich? Et maintenant, attendez-moi. Warten Sie auf mich. Bien. Et puisque vous donnez si bien des ordres, comment diriez-vous restez ici? Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Oui. Et mangez. Essen Sie. Essen Sie. Mais si vous voulez dire ne mangez pas cela, alors ça sera Essen Sie das nicht. Essen Sie das nicht. Bien. Es ist nicht gut, donc essen Sie das nicht. Ou essen Sie es nicht.